Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 31. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. من يذكر العشرة المبشرين بالجنة دي pas المبشرين المبشرين لأن المبشر celui qui يبشر الآخر والمبشر فcelui qui reçoit la nouvelle فهؤلاء مبشرين مبشرين بالجنة فمن يذكرهم تفضل لا زد سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد قلت سعد بن زيد وهو سعيد ابن الجراح ابن الجراح عامر ابن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة فهؤلاء العشر المبشرين بالجنة هل هناك آخرون مبشرون بالجنة أو الأمر محصور على هؤلاء الأخيار هل هناك آخرون الأمر محصور على هؤلاء ils vont pas être d'accord الجماعة معك يا آخرون ذكر من شو ابن عثيمين الحسن والحسين سيدا أهل الجنة كذلك ذكر من ثابت بن قيس خديجة رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فالمقصود أو هؤلاء العشرة الأمر اللي بقى محصور فيهم لا لكن هؤلاء يقال لهم العشرة لأنهم مذكورون في حديث واحد أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة إلى آخر العشرة فلهذا on les appelle les 10 المبشرون أي le prophète il leur a annoncé الجنة ils étaient encore vivants أما il y a beaucoup d'autres خديجة بلال بقي مسألة الخلافة 30 سنة فتفضل أبو بكر كم سنتين زيد عشر سنوات اي 12 سنة زيد اربع سنوات ونصف احسنت هنا بيجي ان الصحيح ان علي 6 سنوات ووجدنا حديث وهو مذكور في تحقيق أخينا أبي العباس وفقه الله وهو حديث سفينة ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مسند سفينة أو في الجامع الصحيح كتاب الإمارة الجامع الصحيح كتاب الإمارة المجلد الرابع قال رضي الله عنه روى الحديث أن الخلافة قال النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة من بعد 30 سنة ثم بعدها ملك يؤتيه من يشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن الخلافة 30 ans ثم après ce خلافة ça sera un royaume un ملك et ça sera un roi à la tête الله il le donne à qui veut ومعلوم أن أول ملوك الإسلام وأفضلهم c'est معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي ابن الصحابي le fils de Abu Sufyan. فسفينه قال الى ست الحديد ثم قال سفينه رضي الله عنه سفينه صار صحابي وتعلمون اللي هو ابن سفينه او سي البروفيت صلى الله عليه وسلم كي لابل سفينه لانه يبورتي بوكو يبورتي بوكو فقال عليه الصلاه والسلام احمل يا سفينه صار صحابي جليل فقال سفينه امسك خلافه ابي بكر رضي الله عنه سنتين لأن سفينة الآن إلى الست إلى 30 ans أن الخلافة سي 30 ans ثم رضي الله عنه إلى الست شك خلافة قم يداني له تعلمون أن قول صحابي لأعلم من غيره فهذا الحديث عمدة في هذه المسألة قال خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين 2 ans c'est un peu plus لكن il a arrondi à 2 ans قال وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين 10 ans قال وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة 12 ans jusque là c'est bon الشيخ ابن عثيمين il avait cité ces chiffres قال وخلافة علي 6 سنين رضي الله عنهم هذا الشاهد خلافة علي 6 ans فالآن si tu fais les comptes أبو بكر 2 ans plus les 10 ans d'Omar ça fait 12 ans plus les 12 ans d'Uthman ça fait 24 ans il reste 6 ans pour arriver à 30 24 pour aller à 36 c'est le khilafat Ali radiyallahu anhu dans des riwayats il n'y a pas les 6 ans dans les riwayats il a cité les chiffres tout m'a dit wa Ali kada et le reste c'est pour Ali voilà chaque c'est les 6 ans et dans les riwayats il a cité les 6 ans zadaha l'imam Ahmed والإمام الترمذي وغيرهما فالحديث لا إلى صحيح حديث سفينة avec l'explication de سفينة ce qu'on a cité الآن c'est قول سفينة c'est سفينة qui explique هذا الحديث والله تعالى أعلم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل عقيدة أهل السنة أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب وهذا ليس على الإطلاق لأن من وقع في ناقد من نواقض الإسلام كالشرك أو السحر أو تكذيب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام وقامت عليه الحجة فهذا يكفر فقول شيخ ابن عثيمين هنا يريد ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أي دون الكفر أي en dehors du كفر أما celui qui fait معصية الكفر والشرك الشرك سان كافر شيخ ابن عثيمين يكفر ceux qui font du كفر du الشرك قامت عليهم الحجة لا شك فمراده رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أي بمعصية دون الكفر والشرك هذا معتقد أهل السنة لا غبار عليه واضح قال ولا نخرج عن الإسلام بعمل هذا نفس الشيء أما العمل كالشرك qui le fait sortir de l'islam فلا شك يخرج من الإسلام فقول شيخ ابن عثيمين هنا il est les choses qui se, ils font pas partie des annulations de l'islam qui font pas partie du kufr du shirk فهذا عقيدة للسنة ولو كفر با ولو سيفي سمعاصي ولو يبواد الالكول ولو يفي الزنا qui rend pas ces choses halal, c'est un musulman. Et c'est un fasiq. Son iman, il est daïf jiddan. Qala Ibn Qudama, rahimahullah, wa nara al-hajj wal-jihad madiyan ma'a ta'ati kulli imam barran kana aw fajira wa salat al-jumu'a khalfahum ja'iza qala Anas qala al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam thalathun min asl al-iman الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل هذا الشاهد pour la première partie لا نكفر أحدا من أهل القبلة قال والجهاد ماض أي مستمر ماض أي مستمر قال منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر الجور الظلم لا جستيس لا يبطله جور جائر الجائر الظالم والجور الظلم قال ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود هذا الحديث لضعيف أخرجه أبو داود وضعفه شغل الألباني رحمه الله الحديث هذا لضعيف قال المحقق الحديث ضعيف أخرجه أبو داود من طريق جعفر ابن برقان عن يزيد ابن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه هذا إسناد الحديث من طريق جعفر يزيد ابن أبي نشبة أنس أنس صحابي بقي جعفر يزيد قال حفظه الله ويزيد ابن أبي نشبة قال الحافظ مجهول. هذه علة الحديث. Ça c'est la cause que Cheikh Al-Albani il a rendu ce hadith ضعيف. Yazid ibn Abi Nushba il est مجهول. Aïla inconnu, Allah alam c'est qui. Ils ont ضعف le hadith. On revient au sharh. قال الشيخ العثيمين تكفير أهل تكفير أهل القبلة بالمعاصي أي المعاصي دون الشرك ودون الكفر ودون نواقض الإسلام. Bien sûr, المعين لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. Pour rendre kafir une personne précise, particulière, لابد il faut des conditions et il faut il n'est pas tombé dans un mani. Il n'y a pas une chose qui empêche le takfir. Qu'al jahl ou shubha. Et on a détaillé cette mas'ala fi nawaqid al-islam. قال الشيخ العثيمين اهل القبله هم المسلمون المصلون اليها. Ça, ça montre أن المسلم لابد في الصلاة. C'est pour ça que les musulmans, on les appelle Ahlul Qibla, et ceux qui font le salat. Ça, ça montre que celui qui ne fait pas le salat, il n'est pas min Ahlul Qibla, il n'est pas min Ahlul Islam. قال لا يكفرون بفعل الكبائر أي دون الشرك ولا يخرجون من الإسلام بذلك ولا يخلدون في النار. وهذا سنقيد طيب لا يخلدون في النار. الشيخ ابن عثيمين لا بد لا يدخلون في النار لأن المؤمن إلى دماء عصي يبغضه في النار. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. يا دي بيرسون الله لا يقدر غفا يزيغون في النار إذا مؤمن لكن لا يخلد. أما الخارجي يقول أن أهل المعاصي عندهم يخلدون في النار. Et c'est ça la différence entre les deux aqidah. L'aqidah qui est fondée sur le kitab et le sunnah, qui nous explique Cheikh Ibn Taymiyyah, et l'aqidah qui est fondée sur le hawa. L'aqidah al-khawarij ou al-mu'tazila. قال لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية. أين الشاهد؟ أو نكمل إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أين الشاهد في الآية؟ شيخ ابن تيمية لا ست فيرس pour montrer que les pécheurs parmi les musulmans, ceux qui font des péchés, tant que c'est pas du kufr et du shirk, ça reste un musulman. Ahsan, et il a cité quoi comme dhamm? Haoula, ils ont fait un péché, malgré ça, ça reste des musulmans. C'est quoi le péché qu'ils ont fait? وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا. Ça veut dire quoi اقتتلوا? Ils s'entretuent. هذا. Malgré ça, le fait de s'entretuer, de combattre son frère, là, il y a tout. Sibab al-Muslim, fusuq wa qitaluhu kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ça ne veut pas dire kufr l'akbar. Là. Mais il y a l'aïe, elle montre. Anna, ils s'entretuent. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala قال إنما المؤمنون إخوة. Les croyants, c'est des frères. Malgré qu'ils se battent. Malgré qu'ils s'entretuent, dans certains cas, ça arrive. Une tribu, elle combat l'autre. Un pays, combat l'autre. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Lakin, c'est un péché grave. Hada, c'est un dalil. Anna, walaw, celui qui fait un péché grave, tant que ce n'est pas du kufr et du shirk, ça reste un musulman. Aqidat ahl sunnah. Qala, fa athbat al-ukhuwa al-imaniyya ma al-qital, wa huwa min al-kaba'ir. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré que c'est des frères, innama al-mu'minuna ikhwa, malgré qu'ils sont combattu. Et combattre son frère, c'est grave. C'est un péché. قال ولو كان كفرا لانتفت الاخوه الايمانيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجوه يعني من النار. متفق عليه. دوزيام دليل من السنه. شيخ ابن عثيمين اللي سيت سي كوا الشاهد من الحديث. Cheikh Ibn Taymiyyah, il a cité ce hadith, la même chose. Il argumente, il te prouve que celui qui dit la ilaha illallah, il fait salat, ou alors il fait des péchés. Ça reste un musulman. Son iman, il descend. Akhrijou man. لكن سيوك سلوي كيفان بشي صحبه من الإسلام C'est où dans le hadith? Ahsante fa akhrijou min an-nar. Ça montre qu'il va sortir min an-nar. Lakin qui? C'est qui hada? C'est où que c'est un pécheur? S'il était funar, c'est que c'est un pécheur. Lakin on a quelque chose dans le hadith qui nous montre clair que c'est un pécheur. Indak. Khardalin. Al khardal, c'est quelque chose de tout petit. C'est quelque chose de petit. Bisabab. Ahsant. Ça montre qu'on a hada rajul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il nous démontre dans ce hadith Qudsi, man kana fi qalbi mitqal habbatin ou habbati khardalin min iman. Son iman, il est descendu bas, très bas. Hatta il lui reste ce peu d'iman. C'est quoi qui lui a fait descendre l'iman? C'est ce ma'asi. Il y en a l'iman, il monte avec ta'a, il descend avec le ma'asi. Malgré ça, قال عز وجل فأخرجوه. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait sortir من النار. لماذا لأن سا مؤمن. Ça sera un kafir, il sortira jamais من النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية. هذا صمود كي سبا ان كافر. لأن الكافر اللي خالد في النار, il sort jamais. هذا سا دليل قوي. De la part de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Il est fi sahihay an Anas. Qala wa khalafa fi hadha ta'ifatan. On sait c'est quoi aqidat ahl sunnah. Tant que la personne c'est un mouhid, c'est un mu'min. Voilà aussi il fait des péchés. Voilà aussi il fait des péchés, ça reste un mu'min. Lakin les mu'minines, ils sont pas tous au même niveau. La foi d'Abu Bakr, c'est pas la foi d'un fasiq d'aujourd'hui. Abadan. Là, je sais que c'est un musulman, mais c'est un musulman, sa foi est faible. Et l'autre, c'est un musulman, sa foi est plus forte. Voilà. Amma, tu as deux groupes qui vont citer l'un sur le Taïmin. Ils prétendent à celui qui fait une kabira parmi les kabair. Maintenant, il boit de l'alcool, ou il fait zina, ou il ment. Ou... عندها هؤلاء يصور من الإسلام سانكافر. هذا سكنترد عقيدة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أتي برجل ابتلي بالخمر. il a pas réussi à délaisser l'alcool. فils l'ont emmené عند النبي صلى الله عليه وسلم, ils l'ont fouetté الحد. ثم ils l'ont laissé. deuxième fois il a bu. Deuxième fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le fouette. Troisième fois, il le fouette. Quatrième fois, بعض الحاضرين, ils ont dit, ma akthar ma yuta bihada, la'anahullah. Ils ont dit, celui-là, tout le temps, il l'emmène, il se fouette, il boit. Qu'Allah le maudisse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la taqoulou hada. Dites pas ça. Innahu yuhibbu Allah wa rasoolah. Il aime Allah et son prophète. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, athbata lahu l'iman alors qu'il buvait de l'alcool. Ah, c'était leur frère, malgré qu'ils buvaient. Lakin, la peine, c'est la peine. Ils se faisaient fouetter. Ata haoula, ils ont du rouleau. Qala al-oula, ayat ta'ifatul oula al-khawarij. Qalu fa'ilul kabira kafir khalid finna. Qala al-thani al-mu'tazila. Qalu fa'ilul kabira kharij anil iman. Laysa bi mu'min wala bi kafir. Wala kafir. Fi manzilatin bayna manzilatayn wa huwa khalidun finna. Et ça montre tanaqud. تناقض contradiction de celui qui délaisse les adilla. الآن المعتزلة ils ont dit فاعل الكبيرة il sort من الإيمان خارج عن الإيمان. Donc il a plus d'iman. ثم ils ont pas osé dire c'est un kafir. Lakin ils ont dit c'est pas un moumine, c'est pas un kafir. C'est quoi? Allah أعلم. هذا c'est grave. لأن l'être humain إما c'est un moumine, إما c'est un kafir. Il y a pas entre les deux quoi? Imma al jannah, imma al nar. Et même les moumines qui vont fil nar, ils finiront fil jannah. Enfin, l'éternité c'est imma al jannah, imma al nar. Amma indahum yawm al qiyamah, il est fil nar. Fil haqiqa c'est des khawarij. C'est la même aqida. Lakin ils n'ont pas osé dire c'est un kafir. Amma indahum si meurt, fa il est khalid fil nar. Fa il rejoigne le khawarij fi hukmihim ala hada shakhs fil akhira. Amma fi dunya. Enfin, ils se sont arrêtés. Ils ont dit là, on ne dit pas que c'est un kafir. Mais on ne dit pas que c'est un mu'min. Manzila bayna manzilatayn. Ça montre le dhalal. Wa law kana min 'indi ghayrillah la wajadu fi ikhtilafan katira. Anna celui qui laisse l'adila se contredit. Amma nahnu 'aqidat al-sunnah, on est clair. Il fait une kabira, tant qu'il fait salat et c'est un mouhid, c'est un musulman. C'est un musulman, on ne va pas dire entre les deux là. C'est un musulman, il a l'iman. Khawarij, ils sont moins contredits. Ils ont dit c'est un kafir. Et ils se sont égarés. Apparaoula, ils se sont égarés et ils se sont contredits. قال ونرد على الطائفتين بما يأتي مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة. Il est, on l'a, Cheikh Ibn Taymiyyah l'a cité. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur إنما المؤمنون إخوة. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit c'est des kuffars. Malgré, ils ont fait un péché, ils se sont combattus un grand péché. Kadhalik, il n'a pas dit c'est pas des mu'mines, c'est pas des kuffars. Là, il a dit إنما المؤمنون. T'as pas le droit de khalif هذا. C'est des mu'mines. Kadhalik, أن الله سبحانه وتعالى va les faire sortir من النار. لهذا الخوارج والمعتزلة يغني cette شفاعة. أي que Allah سبحانه وتعالى va faire sortir المؤمنون من النار. يغنيهم هذا. لأن pour eux, ce مؤمن il est rentré في النار à cause de ce péché. Et c'est صحيح. فعندهم il peut plus sortir. لأن c'est un كافر. فالخوارج والمعتزلة tous les hadiths في الشفاعة pas الشفاعة الكبرى ils la reconnaissent. L'autre شفاعة ils les ont démenti. Tout ça à cause de leur aqidah fasida. Les gens, ça contredit leur mu'taqad. قال الثاني مخالفتهم لإجماع السلف. هذا عقيدة الصحابة عقيدة السلف الإجماع. الإجماع qui rendait pas mécréant celui qui fait un grand péché. Tant que c'est un mu'min, tant qu'il fait salat et la tawhid, فلا, on le kaffir pas. هذه عقيدة السنة. Et ça, c'est un bab مهم. Et la personne يتورع في هذا الباب جدا. Même si une personne il fait quelque chose de grave, la personne est awarra, il ne se précipite pas à dire kafir. Là, hadha al-hukm il revient à ahl al-ilm. Anta, tu peux croire une personne il a fait du kufr, c'est pas du kufr. Ou il a mal compris, ou il a une shubha, ou il est ignorant, ma yadri. Il a fait cette chose ou il ne savait pas. La personne est awarra, yata anna, tu montres anta nasiha. Ah bah les personnes qui s'entêtent et ils ne veulent pas revenir après le nasr, c'est autre chose. La personne, il contacte Ahl al-Ilm et il demande. Ah bah on se précipite, tout le monde dit kafar, tout le monde dit bedda, tout le monde dit fassab. Ça c'est un bab char. C'est un bab char et c'est la cause de beaucoup de fitan. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, « Man qala fi akhi kafir wa laysa kadhalik » Celui qui dit à son frère kafir, et c'est pas vrai. Enfin le kufr il revient sur lui. Maintenant il se précipite. Il n'a pas compris certaines choses. Et il croit que ce qu'il fait, la personne, c'est du kufr. Il dit, Fulan, c'est un kafir. Il serait tu. Il l'aurait conseillé. Alhamdulillah. Peut-être que la personne, il va délaisser l'erreur. Et toi, t'aslam. À takfir, il a des shurut, on les a vus plusieurs fois. Il a des mawani'. La personne, il étudie bien ça. Et daiman, relation avec Ahl al-Ilm. Et tout doucement, et il conseille. Comme min al-muslimin al-an, c'est des juhal. Comme. Et les shubah. Ils ont des choubouhats, kathira. Khassatan les débutants comme nous, khassatan. Ah, la personne, il a pris une masse, ala khalas, il va y hukum ala les autres. Là, c'est pas hakada. Il y a des choses, un tas, tu comprends pas à ton niveau. Ah, tout doucement, tout doucement. Chaque chose a sa place. Tu perds quoi? T'appelles un savant et tu lui décris. Tu perds quoi? Il y a cher, on a un homme chez nous, il dit kada, on l'a conseillé kada. À la fin, tu auras un jugement. Au moins, si tu parles, cher Foulan, il a dit. Ah ben, tu te précipites. Tu oublies la moitié des faits. Tu cites ce qui t'arrange. Tu prends pas en compte sa faiblesse. Il a des choubas. Là, chaque hukm, il ne sera pas à sa place. Et sallallahu subhanahu wa ta'ala, l'hidaya wa tawfiq lil jamir. Qala al-imam ibn Qudama rahimahullah wa min as-sunnah. تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم أو نعم مساويهم أي les choses mauvaises. قالوا وما شجر بينهم أي ما شجر أي ما حصل. قال واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الإمام ابن قدامة رحمه الله il est revenu sur مسألة الصحابة. أي هؤلاء الأخيار ils ont accompagné le prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont un haq, ils ont des droits. Awalan, tu les aimes. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ayatul mu'min, hubbul ansar. Wa ayatul munafiq, bughdul ansar. Parmi les signes d'un mu'min, tu reconnais un mu'min, il aime les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ansar ou al-muhajiru. parmi les signes que la personne, c'est un munafiq, il déteste les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un munafiq. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ayatul munafiq, bordul ansar. Kadhalik, il a cité, la personne, il s'éloigne. Anna sahabi fulan, il a fait, et il cite des choses, des mauvaises choses. Ou ce qui s'est passé entre sahaba. Ils sont rentrés dans ce masail jusqu'à ce qu'ils se sont égarés. À la fin, il a mal compris et il y a pas dans un des deux groupes. Allah dit وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. C'est des frères. أنت أفضل بل واجب عليك si tu appliques la ayah. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. C'est rien de rentrer dans les détails. Foulan il a fait, foulan il a fait, tu vas mal comprendre. Délaisse à Ali. Khalas, ils sont morts, radiallahu anhu. Allah il les a agréés. Et il les a élevés. Enfin, la personne, ba'd al-nas, l'il nahar, ils sont viades. Hatta il a des doutes à la fois. As-sahaba, c'est sahaba. Tu mets une limite. Jamais ta langue, tu dis une chose qui les rabaisse. Ou tu cites une chose mauvaise. Abadan. Ah, hadi aqidat al-sunnah. قال شيخ العتيمين حقوق الصحابة رضي الله عنهم للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة إذا فضل عظيم سدين الآن نحن nous est venu dans des livres on a des savants ولله الحمد tout ça c'est venu par طريقة الصحابة il y a eu un grand jihad avant que سدين est arrivé toi jusqu'à aujourd'hui ils ont un حق وبعض الناس اللي chez lui il va dans des sites internet et il cherche les sahaba c'est qui qu'a tort. Tu trouves un hadfari, il n'a rien à faire, et va, il les critique. Pas Mouawiyah, il est kada, ou Ali, il est kada, ou Uthman, il est kada. Qal haythu qamu bi nusratillahi wa rasoulihi. Le mu'min, il a un respect, les haoula. Il a un respect. Celui qui ne respecte pas, c'est un dal, c'est un munharif. Bel, on va voir, ça peut atteindre le niveau du kouf, s'il les insulte, ou il les déteste. Qal wal jihad fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. وحفظ دين الله بحفظ كتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما إذن توفى pour الدين رضي الله عنهم قال حتى بلغوه الأمة نفيا أو نقيا طريا أي propre propre comme le prophète صلى الله عليه وسلم ils l'ont propagé à la Ummah. Alors toutes les chaînes de transmission tant sahabi. La base de la religion, c'est ce sahabi qui a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths, il y a un sahabi. Les hadiths marfoua ou mawkoufa. C'est ça le dit. Et crois pas que cette chaîne de transmission, elle est venue du jour au lendemain. Elle est venue avec des épreuves, avec la durée, avec la faim, avec la peur, avec... Hatta anta, ce dîn était venu. Wa qad atna allahu alayhim fi kitabihi azim thana. أو كانه سنة عظيم قال حيث يقول في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه محمد رسول الله c'est le prophète والذين معه les compagnons أشداء على الكفار ça c'est parmi les caractéristiques des compagnons ils étaient durs envers les kuffars أشداء ils ont fait l'hijra et les ont combattus c'est ça ce fait à المؤمنين. Tu trouves, l'un, بعض الناس, ils ont une chida envers son frère mu'min. Et envers le kuffar, tu le trouves, c'est la personne, il a une douceur, adib. Il a inversé. هذا الان, il a un problème dans son iman. Ruhama ou bainahum, ruhama entre eux. Il y a une erreur, je te montre, t'es mon frère. Le but, c'est que tu reviennes. Et chaque chose a sa place. Il y a des erreurs, ça demande un peu de chida, il y a des erreurs, ça demande plus de rif. Lakin al-as, la base avec le mu'min, c'est le rahma. La preuve, c'est ce dalil. La base avec le mu'min, c'est la douceur, la miséricorde. Il y a des cas où il faut de la shidda, il y a des cas. Lakin, la base, c'est ça. Avec le kuffar, la dureté. Avec le mu'minin, la douceur. Et ils étaient comme ça, sahab. قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان من صفاتهم كذلك الصلاة الصلاة الركوع السجود إلى آخر السورة قال وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماء كرامتهم حيث يقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم il a montré avant de mourir أنه il faut pas toucher à ses compagnons أبدا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحاب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة النبي صلى الله عليه وسلم il a dit لا تسبوا أصحابي لا تسلطوا mes compagnons. Il a montré, si un de vous, il dépense, mais la Uhud. Uhud, vous avez déjà vu Uhud, fil Medine. Bah, ces montagnes en or, si tu les dépenses, tu n'arriveras pas au Mout, ou à la moitié d'un Sahab. Al-Mout, c'est ça. Al-Mout, maintenant, tu prends un Mout de farine, c'est tes deux mains jointes, pleines. C'est ça, un Mout. Ou la moitié, une main. Bah, sahabi, il donne un Mout, ça équivaut à la montagne que tu vas donner, un ta. Là, il y a blanc. Mais ça t'arrivera même pas. Même si tu dépenses la montagne, t'arriveras pas à son mot. Ils ont un fadl azim. C'est eux les premiers, Viyadaddin. C'est eux qui ont eu les premières souffrances. Enfin, il ne faut pas oublier le tab qu'ils ont eu. Qala, muttafaqun alayhi, fa hukukum ala l'umma. Min a'zam al-hukuk, fa lahum ala l'umma. Mahabbatum bil qalb, wa thana alayhim bil lisan. Bima azdawh min al-ma'ruf, wa l'ihsan. Les aimer et pas oublier leur histoire. قال الثاني يطرحهم عليهم الاستغفار لهم تحقيقا لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Deuxième chose, tu leur fais du'a. Donc le nom d'un sahabi il est cité, tu dis رضي الله عنه. C'est ça le comportement du musulman. قال الثالث الكف عن مساوئهم الذي إن صدرت عن أحد منهم في قليل بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل وربما تكون صادر عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. سوق مثلا يكريتك معاوية أو يكريتك علي أو يكريتك عثمان كما في المنحرف الضال سيد قطب. سيد قطب يطعن في عثمان تتعجب منه يطعن فيه بالشدة. Ça, ça montre son égarement. Et Inch'Allah, on continuera, il va faire la dame. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.